L'ambassadeur coréen Choi Il a présenté le 14 ses lettres de créance au roi belge Philippe. Il lui a transmis les salutations des dirigeants suprêmes Kim Jong-un et de Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée. Le roi en a exprimé sa gratitude profonde et a prié son interlocuteur de transmettre ses salutations cordiales au dirigeant suprême Kim Jong-un et à Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême.